les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Qu'y a-t-il entre A et Z ? D'autres lettres qui peuvent être autant d'entrées pour un dictionnaire. En l'occurrence, le dictionnaire amoureux des menus plaisirs. Une parution récente, fin 2005, donnait prétexte à l'énoncé de quelques plats, de quelques souvenirs gustatifs, de quelques saveurs dans « De bouche à oreille ». Dis-moi, quand est-ce qu'on mange ? De bouche à oreille. Saveur, savoir, savoir-faire. Allez, à table ! À table, on mange ! Allez, à table ! Aujourd'hui, elle a un chiffre, dictionnaire d'un omnivore. Je suis un omnivore à forte tendance carnivore. Je dis toujours, je vais choisir du poisson au restaurant et je finis toujours par prendre la viande. J'adore les restaurants de poisson quand ils ont la gentillesse de mettre un plat de viande. Mais j'aime le poisson. Connaissez-vous l'ascenseur à cornichons et les mystères de la boulette ? Sait-on que la cacahuète n'a pas de faim ? Que l'ail vous apprend à être tolérant, même si c'est un orage condimentaire ? A comme abat, B comme brasserie, C comme camembert, et après marché, pommes de terre et sandwich, nous allons jusqu'à Z avec zinc. C'est le dictionnaire amoureux des menus plaisirs, de et avec Alain Chiffre. Les plaisirs sont menus, parfois parisiens, certes, mais nombreux, très diversifiés et souvent gustatifs. Mais on y rencontre peu d'aliments branchés ou dits modes. Du grain, du gras souillé même, de la viande, une réhabilitation de la coquillette et une joyeuse exploration des restes lors de nocturnes descentes au frigo. Alain Chiffre, ancien journaliste au Nouvel Observateur, auteur de romans, aime les bonheurs simples et ronds. Et il se livre volontiers à une micro-ethnologie des rites et des tendances de l'époque, détournant des idées reçues pour s'étonner aussitôt devant des clichés. Amateur de champignons, il n'en trouve jamais, s'en réjouit et se régale de harengs pommes à l'huile. Au sommaire de bouche à oreille, juste un mot, ascenseur à cornichons. Entretien avec Alain Chiffre. Comment le goûtez-vous le moment parfait ? Brève et micro-ondes. Juste un mot, ascenseur à cornichons. Ascenseur à cornichons, vous savez, cette petite plateforme qui permet d'extraire les cornichons avec deux doigts, avec une petite tirette et qui élève le cornichon hors du bocal. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est d'une simplicité enfantine et qu'il doit exister des cornichons depuis très très longtemps et que personne n'a jamais pensé à ça. C'est-à-dire jusqu'ici, il fallait se coincer deux doigts dans le bocal. C'est formidable. Moi, j'ai beaucoup de plaisir aux petites inventions, aux choses à quoi on aurait pu penser avant. Le monde est plein de choses à quoi on aurait pu penser avant. Abba. Le hasard de l'alphabet m'oblige à ouvrir ce dictionnaire sur ce qu'il y a de plus trivial et à la fois de plus énigmatique. Car enfin, l'amour des abats à les comprendre, il est à peu près inexplicable. Prenez 10 personnes, offrez-leur des entrailles, vous aurez 10 religions. Pour un qui les aime toutes et encore, 3 n'en aiment aucune. Celui-ci ne rejette que la cervelle et la langue, celui-là ne tolère que le riz et le foie. Pour nourrir son prochain d'abat, il faut le connaître à fond. C'est une cuisine de famille, au sens large, et je connais des dynasties d'amateurs de tripes et d'amourettes. Alain Chiffre, dictionnaire amoureux des menus plaisirs. Les abats sont toutes ces choses molles, visqueuses, aquatiques qui baignent dans le corps et qui sont en fait le siège des émotions et de l'intelligence, alors que les muscles, c'est-à-dire la viande, ne sert qu'à faire du sport finalement. Et une espèce de dédain pour les abats que je trouve métaphysiquement très, très dommageable. L'abat, c'est vraiment ce qui est le plus noble. Le foie, la cervelle, le cœur, des choses comme ça. Les amourettes ? Les amourettes, oui. Bien que des gens prétendent que ce sont les testicules du mouton, c'est en fait la moelle épinière du mouton et du veau. Les testicules du mouton, en fait, on appelle ça les rognons blancs. Le boucher et le tripier sont comme deux versants de l'esprit humain. Le premier s'épanouit dans le sang et la découpe. Il tranche et hache et scie et taille, il frappe et aplatit. L'autre se meut au contraire dans un univers blême et désossé. Il patauge dans l'eau, tentant de maîtriser des viscères et des glandes qui filent entre les doigts comme des anguilles. Il a un côté médecin légiste. Je trouve que le boucher et le tripier sont des personnages totalement opposés. Le boucher est du côté de la virilité, voire du machisme. Il découpe, il saigne, il tranche, il aplatit. Et encore une fois, il travaille le muscle, il travaille sur le sang. Le tripier travaille dans un monde aquatique, il descend dans les bêtes. Il manipule des choses molles ou spongieuses qui s'échappent comme des anguilles, qui se sauvent des plats. Et j'ai toujours trouvé que... Alors, je trouve une certaine féminité chez les tripiers. Je l'aurais jamais dit, parce que bon, il y en a qui peuvent... Mais c'est des gens qui travaillent dans un monde secret, dans un monde introverti, et qui fait l'objet d'un certain mépris, puisqu'on parle du cinquième quartier. Un peu, ça fait penser à un quartier louche, vous savez, le quartier des bordels. On parle du cinquième quartier pour la partie des bêtes qui vont à la triperie. Et il y a une espèce de rejet des abats. Alors, la vache folle a joué un rôle, bien sûr, dans cette histoire, mais c'est plus ancien, parce que les abats, dans une société, il faut qu'ils soient chers. Sinon, ça devient un plat de pauvre, mais pas pauvre au sens de la pomme de terre qui est appréciée par les gens snobs. Pauvre dans tous les sens, et par exemple, le cœur de veau farci, qui est un excellent plat, se voit pratiquement plus nulle part. Et les tripiers eux-mêmes disparaissent, et c'est très dommage. Maintenant, les triperies, les tripes, on les trouve chez le boucher, quoi. Ça fait partie des choses que vous avez mangées dans votre enfance ? J'ai mangé, j'ai été élevé à pas mal d'abats, oui. Du foie, mais du foie de veau, parce qu'à l'époque, alors que tous les foies ont exactement les mêmes vertus, on disait que le foie de veau, c'est pareil, parce qu'il était plus cher, puis il est également plus fin au goût. On disait que c'était excellent pour les enfants, alors que du foie de bœuf, du foie ou du foie de porc aurait été aussi bien, ou du foie d'agneau. J'ai toujours eu un goût pour ces choses. J'adore me faire sauter des foies de volaille, par exemple. Simplement sauter des foies de volaille, c'est quelque chose de formidable. Ce qui est très curieux, c'est que le foie de volaille avait complètement disparu, en particulier à Paris et dans les grandes villes. On a l'impression que les poulets naissaient sans intérieur. Ou alors, si on achetait un poulet fermier, enfin bon, chez un bon volailler, on avait à l'intérieur les abats, mais on ne trouvait nulle part des foies au poids. Ça ne se trouvait absolument nulle part. Je me souviens, dans les années 60 ou 70, à Paris, c'était impossible à trouver. Et ça évitait de... On se privait d'énormes plaisirs, comme le gâteau de foie blond qu'on fait à Lyon, ou des choses comme ça. Plein de choses disparaissent, les pieds de mouton aussi. Les pieds de mouton, parce que c'est 8 fois plus petit qu'un pied de veau, et ça coûte autant de main-d'œuvre. Il faut les gratter, les échauder, pareil. Or, le pied de mouton, c'est un grand plat de la cuisine lyonnaise. Vous mélangez ça, vous mettez des pieds de mouton, des foies de volaille, et puis des petits morceaux de hareng, et vous faites une sauce rémoulade, c'est quelque chose de formidable, avec des œufs durs. Oui. Mais maintenant, pour trouver des pieds de mouton, il faut d'abord soudoyer un tripier et qu'il le commande, et c'est devenu extrêmement compliqué. Cela vous réjouit le cœur, le spectacle d'un de ces bons vieux hachis qu'on a pétri, modelé, fait voler d'une main à l'autre façon jongleur. et qui s'en va, petite boule dense et souple, flotter dans l'huile bouillante où elle s'entoure d'écume légère, tel un rocher dans la mer. Alors que sa ligne fumante les chères petites choses sur l'essuie-tout graisseux, méditons sur le reste. La boulette, c'est un objet absolument étonnant parce que on n'y reconnaît rien. Et en fait, on peut faire des boulettes avec n'importe quoi et on ne s'en prive pas. Et ce qui est très étrange, alors là, vous avez une attitude morale, ça, c'est une affaire de morale, la boulette. L'attitude morale, c'est qu'à partir du moment où on peut y mettre n'importe quoi, au contraire, on fait très attention à ne pas y mettre n'importe quoi. Et il y a derrière des boulettes de riches où il y a que des produits riches, mais alors à la même apparence que la boulette de pauvre. Et c'est un plat, en ceci, c'est un plat universel parce que tout le monde a des restes et le reste appelle la boulette comme la nuée appelle l'orage. C'est absolument. Et la boulette, en plus, n'a pas d'histoire, elle n'a pas de début ni de fin parce que le milieu de la boulette ressemble à son début et ressemble à sa fin. C'est une espèce d'objet, c'est une petite planète. C'est absolument insondable, c'est totalement délicieux quand c'est bien fait. Votre grand-mère, elle faisait des boulettes, non ? Ma grand-mère, j'avais une grand-mère juive ashkénaze qui faisait les grosses boulettes de pain azim, la base de pain azim, avec de l'œuf, et puis elle mettait de la graisse d'oie, mais maintenant on met de l'huile, la farine de pain azim. Et alors, elle faisait des boules énormes parce qu'elle était très paresseuse, elle faisait des boules grosses comme des balles de tennis. Et j'ai été persuadé très longtemps que ce genre de boulette était énorme. J'en faisais des énormes. Jusqu'au jour où j'ai découvert que c'était sa voix qui était paresseuse. Après avoir été dans un restaurant ashkénaze, j'ai découvert que la boulette était toute petite. Vous dites aussi que les hommes sont prêts à tout pour éviter de mâcher. Oui. Alors, il y a le bébé pas loin. Dans ma conception de la cuisine, moi, dans mon livre, je n'ai pas parlé des plaisirs vraiment gastronomiques sur de la recherche qui est en ce moment poussée très loin, puisqu'on en est aux éprouvettes, aux seringues, à la neige carbonique, etc. La cuisine devient aérienne et presque virtuelle. Moi, je parle de la cuisine qui plaît au ventre, parce que le ventre se souvient. C'est la part d'enfance, une part d'enfance à gastronomie qui est indéracinable. Et c'est donc une cuisine de souvenirs. Et là, je crois qu'on a plaisir à manger la boulette comme du steak haché d'ailleurs, ou même comme du hamburger, parce que ça, c'est pas du côté du mâché, c'est pas du côté de la morsure, c'est pas du côté de la violence, parce que maintenant l'univers économique nous demande d'être dur, mordant et percutant. C'est d'ailleurs au moment où le jeune cadre a triomphé en France, à la fin des années 60, qu'est apparue la mode du croquant, du haricot vert croquant, etc. Al dente, il faut que ça résiste un peu sous la dent. Et la dent est toujours éclatante, hein, les sourires sont éclatants. Alors que les choses molles faisaient un peu honte, jusqu'au jour où, par exemple, on est revenu au purée, par exemple. Ou aux pommes de terre écrasées, qu'on appelle des purées maintenant, qu'on écrase avec de l'huile d'olive. Des choses comme ça, des choses plus douces. Et on est revenu aux soupes. Et on consomme énormément de yaourt. Tout ça, ce sont quand même des produits un peu régressifs. Dans son livre « L'omnivore », Claude Fischler annonçait le glas du gras, la montée de la lipophobie et la diabolisation du cholestérol. Alain Chiffre, dans son dictionnaire, avoue un penchant pour ce gras-là et même le grassouillet. J'ai jamais été aussi heureux quand j'ai découvert sous la plume de Robuchon, pour sa recette des choux farcis, qu'on s'est de les cuire dans un bouillon un peu grassouillé. C'est la première fois que je voyais le mot grassouillet, cet adjectif, sous la plume d'un cuisinier moderne. Il y a eu la chasse au gras, je ne vous apprends rien, elle est tellement violente que... L'hypophobie. Tout un rayon, enfin dans les supermarchés, vous avez le yaourt, enfin, qui n'a pas le droit au mot yaourt, parce que le yaourt est entier ou n'est pas un yaourt, mais 0%, 0,5%, 2%, l'impression que c'est des soldes à l'envers. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de cuisine possible, parce que le gras est ce qui fixe ses saveurs. Alors, bien sûr, après, on peut arrive le vice, disons, arrive le... c'est comme pour les abats, choses comme ça, c'est le plaisir du grand soi. Et j'avoue que j'ai un peu ce plaisir du grand soi. La peau du poulet, bon, je veux bien manger un plan de poulet, mais quand même une peau de poulet croquante, c'est quand même extraordinaire. Et c'est là que j'en veux beaucoup à Dieu. J'ai assez Dieu dans le collimateur, dans cette histoire, parce que quand vous lisez la Bible, vous voyez que Dieu se réserve tout le gras. Il faut lui sacrifier dans les animaux toute la partie grasse, la graisse qui entoure les rognons, etc. Et donc c'est quand même jugé extraordinaire. Et en même temps, Dieu nous a collé le cholestérol. Or, il se trouve que là où il y a le cholestérol, c'est toujours là où il y a du gras. Toujours. C'est-à-dire la partie la plus savoureuse des aliments, il y a du gras. Il y a plus de gras, il y a plus de cholestérol dans le jambon cru que dans le jambon cuit. Il y a plus de cholestérol dans le jaune de l'œuf que dans le blanc de l'œuf, etc., etc. C'est absolument désastreux. Je trouve ça, c'est absolument scandaleux. Alors, il y a le gras. Et puis, vous venez de parler de l'œuf, du jaune d'œuf. Oui. Il y a le fameux œuf mayonnaise. L'œuf mayonnaise, oui. C'est apparemment, c'est quelque chose qui réunit le genre masculin. Il y a beaucoup d'hommes... Vous pensez que qui disent aimer l'œuf mayonnaise. Comment vous expliquez ça? Je ne pensais pas. Je pensais, vous m'auriez dit la rampe à mal d'huile ou le saucisson de Lyon, j'aurais dit les hommes. L'œuf mayonnaise, comment l'expliquer? Alors là, c'est pareil quand même. Bon, il y a une histoire de gras dans l'affaire. C'est la mayonnaise. Voilà. Et vous savez, c'est douloureux parce que... Puisque vous disiez que je faisais de l'ethnologie personnelle, quand je me sonde vraiment en profondeur et que j'essaye d'être honnête avec moi-même, je me demande si j'aime les plats avec de la mayonnaise à cause de la mayonnaise. Vous voyez, si ce n'est pas une manière civilisée de manger de la mayonnaise. Or, il y a toutes sortes de plats. S'il n'y a pas la mayonnaise, on n'est pas content. La viande froide, il faut la mayonnaise. L'œuf, il faut la mayonnaise. Le colin froid, il faut la mayonnaise. Et la mayonnaise, c'est quand même un truc formidable, parce que c'est cette espèce de plénitude à partir de trois éléments qui se mélangent ou qui ne se mélangent pas. C'est quelque chose d'admirable, la mayonnaise. Alors, c'est vrai ce que vous dites, parce que je sais qu'il s'est créé un club des amis du véritable œuf mayonnaise, et je crois que c'est surtout des hommes qui sont dans cette affaire. Descente au frigo. La descente au frigo, c'est l'enfer de Dante, plus l'électricité. Pas question ici de caler un petit creux, mais de remplir un trou, de ratisser les clayettes et d'engouffrer les subsistances, goûtant la sombre jouissance de faire la cuisine dans sa bouche. Tout commence le plus calmement du monde. Il est 3h du matin, dans une cuisine obscure. Le cœur défait et les pieds nus, nous marchons au frigo. Mais la descente au frigo, c'est... Alors là, on touche à la part maudite de la gourmandise, et ça, j'aime bien, puisqu'on a m'interrogé beaucoup sur ces choses, le gras, la mayonnaise, etc. J'aime assez frôler les gouffres. Or, la descente au frigo la nuit, il est évident que ce n'est pas un plaisir innocent. Ce n'est pas de l'hédonisme. C'est souvent une attitude où se mêle l'angoisse, peut être lié à l'insomnie, des choses comme ça. Mais en même temps, c'est fascinant. Il se trouve que j'ai découvert vraiment un monde. J'ai fait une enquête pour un journal sur la descente au frigo. J'ai interrogé énormément de gens, y compris des femmes. Il y a une différence entre les hommes et les femmes. Hein. C'est pas la même descente. Il y a quand même, c'est pas la même descente. Bien que j'ai été absolument ahuri de voir qu'ils étaient capables de s'envoyer quand même des choses hallucinantes. Mais il y a la descente au frigo proprement dite, qui consiste à aller devant son frigo, à sortir les restes, vous voyez, et un petit peu à entasser tout ça, plus ou moins le tarama, les coquillettes. C'est plutôt masculin. J'ai remarqué chez les femmes quand même une certaine élégance. Or, les femmes. Eh bien, les femmes aussi m'ont raconté des choses terribles. J'en sais qui en tiennent pour le raffiné camailleux, pomme à l'huile avec des frites et de la purée, barre de chocolat plongée dans le cacao. Mais d'autres recherchent surtout le calorique, lait concentré, plus crunch, plus biscuit, plus petit ours en gélatine, beurre, cacao et sucre en tartine, ou encore poisson écrasé et épinard, banane, gruyère et ketchup, pâte à tarte crue. J'ai connu un Saint-Marcellin à qui il ne manquait qu'un bâtonnet pour être sucé au cinéma, nous dit Alain Chiffre dans sa rubrique fromage. Fromage glacé. Alors ça, c'est un sujet de scandale en France, la condition du fromage. Le fromage glacé. Alors, au restaurant, on vous apporte des esquimaux. Hein, c'est... Alors, les gens, quand on leur dit, mais enfin, même dans des bons restaurants, pas des grands restaurants où il y a toujours le magnifique chariot, mais même dans des bonnes maisons, on vous apporte des chocolats glacés. Et quand on leur dit, mais comment c'est inadmissible, vous êtes une bonne maison, ils vous disent, monsieur, on n'a pas la demande. Et ça risque pas de s'arranger, forcément, c'est un cercle sans fin. Et c'est un peu un mystère, parce que on aime toujours les fromages, apparemment, mais on en consomme peu. Et alors on en consomme de très mauvais. Et c'est quand même formidable de voir comme les Français se sont levés quand on a cru, parce que c'est une erreur, que Bruxelles voulait s'attaquer au fromage fermier non pasteurisé, ce qui était faux. Simplement, ils demandaient à ce que ça soit fait dans des conditions sanitaires très précises. Les Français se sont levés comme un seul homme. Et tous ces gens-là, je suis sûr, mangeaient des fromages, de ces fromages industriels qu'on connaît très facilement les publicités, parce que c'est toujours des vieux paysans chemis à carreaux assis devant une meule de foin avec un opinel qui les découpe. Alors là, vous êtes sûr que c'est industriel quand vous voyez quelque chose comme ça? Et se nourrissent de tous ces trucs plâtreux qu'on trouve dans les supermarchés. Et en même temps, c'est dans la mythologie nationale, ça tient une place énorme. Sauf les craquettes au fromage dont vous parlez. Il y a des craquettes au fromage et des gonflettes au cumin. Ça fait partie de tous ces néologismes que vous inventez. Oui, c'est ça. C'est un petit peu du pestige de langage de restaurant, de grand restaurant. Il y aurait une étude à faire sur le langage des restaurants. Maintenant, on arrive à des choses hallucinantes. Les arômes de neige fondue, par exemple, dans les bars à eau. Dans le bar à eau, oui. Ça, c'est une chose incroyable. C'est que quand on a commencé, il y a des sommeliers. J'avais fait une enquête sur le marché des eaux, qui est énorme en France. C'est formidable parce que maintenant, en France, on boit son vin au verre et son eau en bouteille, alors qu'avant, c'était exactement le contraire. L'eau servant essentiellement à prendre de l'alka-seltzer. Et maintenant, il y a toute une élégance des eaux. Et maintenant, les sommeliers sont formés à la dégustation des eaux. Et j'avais interviewé un de ces sommeliers dans un grand restaurant parisien qui m'a fait une dégustation d'eau à l'aveugle. C'était quelque chose d'hallucinant. Et alors, il me fait goûter une eau. Alors, je dis, oui, elle est bonne. Elle est bon. Pour moi, c'est une bonne eau. Ça sent pas où le javel, essentiellement. Et le chlore. Et lui me dit, elle a des arômes de neige fondue, ce que je trouvais absolument étonnant. Et il dit, c'est normal, c'est une eau qui vient de 2000 mètres, qui est puisée à 2000 mètres. Le problème, c'est qu'on vit dans la plaine, vous voyez, c'est mon phase. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, cela dit, les eaux pétillantes, c'est un domaine intéressant, parce qu'il y a la finesse de bulles, il y a des élégances dans ces eaux-là. Elles sont vendues très chères. Mais moi, quand je veux bien commander un verre d'eau, mais pour le faire passer, je veux bien un petit verre de whisky à côté. Oui. Marché. On y conduira ses enfants, à la recherche de splendeurs disparues. Des volailles équipées de foie de volaille et des œufs du matin, des gaines-culottes et des cœurs de veau, du tissu fermière, du haricot en vrac, de la couille de mouton. Il n'y a que sur les marchés qu'on trouve des espadrilles et des ouvre-boîtes ingénieux. Beaucoup de personnes viennent là pour acheter à manger, ce qui n'est pas complètement idiot. Cela m'arrive aussi, en particulier des échalotes grises, des joues de bœuf et des olives au piment. Mais surtout, j'arpente. J'y vais pas seulement pour les produits, mais pour les gens. Sur les marchés au Pliobi, ça décode. On y trouve toujours les mêmes personnages. C'est tout un petit monde, des petits santons. Enfin, et ils sont tous représentés. Vous avez la dame à cheveux en bandeau, un peu anorexique, qui a eu un passé douloureux et qui vend ses fromages de chèvre, ou alors qui vend des graines, des choses végétariennes, etc. Le maraîcher qui tutoie les vieilles dames. Les femmes qui achètent des produits bio aussi. Alors, il y a les femmes qui achètent. Alors, il y a plusieurs catégories. Vous avez une certaine bourgeoisie. Je dis bobo en simplifiant, j'aime pas trop ce terme. Enfin, il y a une clientèle bobo qui ira chez le marchand de légumes où on trouvera des fleurs de courgette. Il y a la vieille dame, encore une fois, qui est devenue un élément de base du marché, qui vient non seulement parce qu'on y trouve des choses moins chères, j'en reviens au tripier. Les vieilles dames achètent beaucoup de triperies dans mon quartier, mais aussi elles y viennent pour parler. Elles y viennent pour parler, c'est étonnant. Alors, elles tiennent tout un discours et j'écoute. Quand elles disent « je vais acheter deux poireaux, une carotte parce que je vais me faire un petit pot-au-feu et puis le reste, je vais le garder. Demain, je ferai des boulettes. Il y a mon neveu qui vient dimanche, etc. » Elle développe toute une histoire comme ça, c'est extrêmement touchant. Il y a cette idée aussi qu'on est en relation avec la terre, sans intermédiaire. Oui, c'est le fameux mythe du marché qui vient du vieux fonds paysan des Français, en particulier des Parisiens, qui ne savent pas distinguer deux sortes d'arbres ni deux sortes de vaches, mais qui, dès qu'ils sont sur un marché, ont l'impression d'être en contact avec le terroir sans les maudits intermédiaires. Les intermédiaires, c'est une malédiction en France. Dès qu'on parle de vie chère, des trucs comme ça, c'est toujours la faute des intermédiaires. Et ça représente si bien cette France-là que les candidats aux élections font toujours les marchés. C'est le serment de pâte de crémier au marché est quelque chose d'obligatoire. Aucun. Alors Balladur, c'est avec des grandes pécaries, Chirac, c'est frangeux, etc. Mais aucun n'échappe au marché. C'est une espèce de représentation de la France profonde, totalement imaginaire, totalement comme ça, et qu'aucun candidat aux élections ne néglige jamais. Et vous-même, Alain Schiff, quand vous allez au marché, vous allez pour toutes ces raisons, pour voir, pour sentir, pour écouter, mais aussi pour acheter de la fraise de veau. Oui, par exemple. Encore que mon tripier, depuis quelque temps, n'en fait plus. Même un très bon tripier fait de moins en moins de choses, malheureusement. Mais il a quand même cette chose extraordinaire, c'est qu'il fait encore, pour Noël, des garnitures de vol au vent. Qui fait encore des vols au vent pour Noël en France? Personne. Vous dites aussi que la nourriture est toujours liée à des histoires de religion. Bien sûr, parce qu'il y a des tabous, des interdits. Là, on a la grande chance de vivre dans un pays chrétien, c'est que Jésus, comme ma mère, dit qu'il faut manger de tout. C'est le bon côté du christianisme. Mais il y a quand même des tabous. On ne mangera pas du chien en France. J'ai été en Chine et j'ai voulu vérifier si j'étais vraiment un omnivore. J'ai découvert que je n'étais absolument pas un omnivore. J'ai voulu manger du chien et je n'ai pas pu. Ça m'était totalement impossible. Et je crois qu'en dehors des Chinois, et peut-être, je ne sais pas, je ne connais pas bien l'Amazonie, choses comme ça, tout le monde a des tabous culinaires. Mais c'est pratiquement inévitable. Qu'en faire? Telle est la question. Que faire de ces reliefs, surplus, excédents, reliquats? J'aime les restes parce qu'ils me forcent à imaginer. C'est la raison de leur présence parmi nous, quelle qu'en soit la nature. Ruines, vestiges, rabiots, fourbis, débris et tout le tremblement. Supérieurs souvent aux noces et banquets, les lendemains de noces et banquets, les restes sont disposés au petit bonheur sur la nappe un peu sale, on est entre amis, en famille, on se partage les dépouilles, on picore, on discute de comment c'était la veille, les gens, les plats. Les souvenirs effilochés se mêlent au relief du repas. On goûte ce bonheur si français, parler de nourriture en mangeant. Comment le goûtez-vous, le moment parfait, Alain Schiffre? J'ai une espèce de plaisir névrotique à manger des saucisses avec des frites et deux œufs sur le plat, mais pas à côté, posés sur le plat, tout en lisant la page 2 du Canard enchaîné, ou à la rigueur d'autres articles de politique intérieure, mais jamais de politique étrangère. Rêve et micro-ondes. Le dictionnaire amoureux des menus plaisirs d'Alain Chiffre est paru aux éditions Plon. L'omnivore de Claude Fischler aux éditions Odile Jacob. Et puis les cahiers de cuisine du général Stroll, chef d'état-major du 19e corps d'armée à Saint-Raphaël aux éditions La Martinière. De bouche à oreille par René Elkaïm Bollinger. Aujourd'hui, dictionnaire d'un omnivore avec Alain Chiffre, texte lu par Frédéric Cantrel, coordination Sylvia Favre, mixage Sébastien Royer, réalisation Pascal Rayet. A été diffusée pour la première fois sur France Culture le 30 octobre 2005. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. Macaco senza storia, dice lei di lui. Che gli manca la memoria, in fondo ai guanti bui. Ma il suo sguardo è una veranda. Tempo al tempo e lo vedrai, che si addentra nella giungla, non incontrarlo mai.